Le comité central du Parti du Travail de Corée a envoyé les messages de félicitations à l'usine textile Kim Jong-suk de Pyongyang, au complexe d'acierage Chulima, à l'usine de fil électrique 326 de Pyongyang et au complexe chimique de la jeunesse de Namhung, qui remporte de grands succès dans la campagne de 200 jours. Les meetings de remise des messages ont eu lieu le 14 sur place sous la participation de Park Bong-joo, de Choi Ryong-hae, des cadres intéressés et des personnels des entreprises. Dans les messages de félicitations, le comité central du Parti du Travail de Corée a apprécié haut le patriotisme, la fidélité et les mérites de travail des travailleurs et des cadres de ces quatre entreprises qui livrent vigoureusement la campagne de 200 jours pour ainsi défendre fermement l'esprit du 7e congrès du parti. À la suite des interventions, on a adopté des textes de résolution. Par ailleurs, a eu lieu le 13 à la ferme coopérative de Chunsam de l'arrondissement d'Anbyon, un meeting de remise de messages de félicitations du comité central du Parti du Travail de Corée, envoyé aux agriculteurs et cadres de cette ferme, qui déploie de grands efforts à l'agriculture scientifique, conformément aux méthodes culturelles tutsiens, pour auréoler de la victoire la campagne de 200 jours.